croissant de lune sur le ciel nu. Descends la dune, me porte au nu. Heureux les hommes devant l'écume. La larme deviendra ma plume. À vous. Qu'as-tu fait de moi? À vous. Qu'as-tu fait de moi? Au nul enfer, plus près que ça, devant la mer, seul je suis là. J'attends que le soleil se lève. Mes larmes encore mouillent la grève. J'espère que tu viendras. Trop tard pour me lever. J'attends la lune pour m'éclairer. Amour. Aucun espoir, tu ne viendras pas. Tu ne viendras pas. Avance nu depuis la plage. Rentre dans l'eau, mais fais naufrage. Me laisse envahir par les flots. Engloutir comme un bidon d'eau. Je te retrouve.